La dame de fer de la CIA. En mars 2018, Donald Trump a décidé de remplacer son secrétaire d'État Rex Tillerson par Mike Pompeo, directeur de la CIA. C'est sans hésitation qu'il a choisi Gina Haspel, auparavant directrice adjointe de la CIA, pour succéder à Pompeo. Haspel devenait la première femme à diriger l'agence. Elle avait créé la polémique pour avoir dirigé en 2002 une prison secrète de la CIA en Thaïlande, où l'on pratiquait la torture. À l'évidence, cela fut plutôt un atout dans la décision du président de la nommer à ce poste. En revanche, devant la commission sénatoriale du renseignement, Haspel a diplomatiquement promis que la CIA ne renouerait pas avec ses pratiques et a admis que la torture ne marche pas. Entrée à la CIA en 1985, Haspel a été officier traitant en Afrique, puis en Russie et en Europe de l'Est dans les années 1990, avant de devenir chef de poste en Azerbaïdjan. Elle a intégré le centre antiterroriste de l'agence après les attentats du 11 septembre 2001. En 2008, elle a pris la direction des opérations de la CIA en Europe, et est devenue directrice adjointe des opérations clandestines mondiales en 2012. Sa nomination à la tête de la CIA a été dénoncée par des associations de défense des droits de l'homme. Dès sa prise de poste, Haspel annonça que l'agence allait revenir à l'espionnage traditionnel contre les États étrangers et moins se focaliser sur le contre-terrorisme non étatique. Combler les lacunes en matière de renseignement sur des pays comme la Russie et la Chine serait une priorité stratégique pour la CIA, expliqua-t-elle. Les priorités de recrutement de la CIA devaient refléter le changement stratégique de l'agence. La priorité serait donnée aux personnes parlant une langue étrangère et maîtrisant le chinois, l'arabe et le farsi, entre autres langues cibles. Le turc, le français et l'espagnol seraient également recherchés. Quelques mois plus tard, de façon inhabituelle, la CIA publia le nom de sa nouvelle directrice des opérations. Bess Kimber était la première femme à occuper ce poste. Elle aurait dirigé le groupe Russie au sein de la direction des opérations, qui gère un large éventail d'opérations visant les services d'espionnage russes. Contre toute attente, Donald Trump a vite pris en grippe Gina Haspel. Il faut dire qu'il n'a pas du tout apprécié d'apprendre l'origine d'un des scandales qui ont le plus empoisonné son mandat. L'accusation d'avoir sollicité l'ingérence d'un pays étranger dans l'élection présidentielle américaine de 2020. Cela fait référence à un échange téléphonique entre le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a eu lieu le 25 juillet 2019. L'individu qui a signalé cet échange litigieux n'était autre qu'un employé de la CIA. L'homme, qui jouissait désormais du statut de lanceur d'alerte, signala que Trump avait demandé à Zelensky d'enquêter sur les transactions commerciales du futur candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, et de son fils Hunter Biden en Ukraine. Le rapport du dénonciateur a déclenché une commission d'enquête au Congrès. Contrairement à ce que Trump attendait, Gina Haspel s'est montrée moins servile ou moins politique que son prédécesseur. C'est pourquoi, quelques mois avant la fin de son mandat, le président envisageait de la licencier. Haspel n'a joué aucun rôle dans l'incident du lanceur d'alerte, mais les principaux partisans de Trump pensait qu'elle aurait pu arrêter la plainte avant qu'elle n'atteigne le bureau de l'inspecteur général de la communauté du renseignement américain. Haspel était également accusée par les partisans de Trump de ne pas obéir au bureau du directeur du renseignement national, ODNI, dirigé par John Ratcliffe, une personne nommée par Trump qui chapeaute la communauté du renseignement américain. La CIA et l'ODNI n'ont guère été sur la même longueur d'onde depuis la création de ce dernier en 2005. En outre, contrairement à Gina Haspel, qui a gravi les échelons de la communauté du renseignement, John Ratcliffe n'avait aucune expérience du renseignement avant d'être nommé à la tête de l'ODNI. Plusieurs républicains de haut rang ont protégé Gina Haspel, notamment le puissant sénateur Mitch McConnell. Le renseignement à l'heure du Covid. Le débat sur la manière et le moment où la Maison-Blanche a été alertée par ses agences d'espionnage au sujet du Covid-19 a mis en lumière l'exigence d'un programme de renseignement sur les maladies au sein de la CIA. En 1966, éclata une épidémie de méningite dans la province chinoise de Guangdong, ce qui incita la CIA à suivre les maladies de manière systématique. L'épidémie était d'abord apparue dans la ville de Guangzhou, et en quelques semaines, elle avait entraîné une prise de contrôle militaire du système de santé chinois. Ce dernier s'était effondré par endroits, ce qui incita l'Office of Scientific Intelligence de la CIA, connu aujourd'hui sous le nom de Direction des sciences et technologies, à collecter des données afin d'évaluer les retombées politiques, géopolitiques des maladies. Ce projet, baptisé Impact, s'élargit en 1968 lorsque la communauté sanitaire mondiale commença à émettre des alertes concernant la grippe dite de Hong Kong. Connue officiellement sous le nom de Hong Kong A2-68, le virus se répandit dans le monde entier en quelques mois et aurait tué entre 1 et 4 millions de personnes, dont environ 100 000 Américains. À cette époque, le projet Impact de la CIA devint mondial et fut combiné avec Black Flag, un chantier de l'agence pour informatiser les informations sur les maladies et en déduire les tendances, les cycles et les prédictions à l'échelle mondiale. Le projet Black Flag a suivi la propagation de la maladie en Union soviétique et au Nord-Vietnam et a fourni des analyses régulières des ramifications politiques de l'épidémie. Cela n'a pas été facile, car la plupart des nations du bloc communiste ont essayé de dissimuler le phénomène. La CIA a également été en mesure d'émettre des avertissements à l'intention de ses équipes d'agents à l'étranger, leur donnant pour instruction de se protéger de la grippe lorsqu'elle se propageait en Asie de l'Est et finalement dans le monde entier. Les premiers projets de renseignement sur les maladies de la CIA ont permis de démontrer que l'agrégation des données était essentielle pour surveiller et prévoir les épidémies. Ils ont également montré que ces prévisions pouvaient avoir un rôle vital dans le renseignement politique, militaire et économique. Aujourd'hui, le programme de renseignement sur les maladies de la CIA a la même double mission qu'à l'époque de sa conception. Recueillir des renseignements sur l'étendue réelle de la propagation des maladies à l'étranger, qui peut différer des informations officielles fournies par les gouvernements étrangers, et prévoir les conséquences de ces tendances pour les intérêts américains dans les régions touchées par une épidémie ou une pandémie en cours. Selon plusieurs rapports, la CIA estime que le gouvernement chinois a intentionnellement dissimulé, voire fabriqué, des données cruciales sur les infections et les décès dus au Covid-19. En conséquence, les chiffres officiels relatifs à l'épidémie du nouveau coronavirus en Chine représenteraient une sous-estimation considérable du nombre total de cas et de décès. Un résumé des preuves contre la Chine a été communiqué à la Maison-Blanche dans un rapport classifié. Il en ressort que le gouvernement de Pékin a modifié à plusieurs reprises la méthodologie utilisée pour enregistrer et suivre les cas, par exemple en excluant de la liste les porteurs asymptomatiques du Covid-19. Le nombre de décès dus au virus pourrait être beaucoup plus élevé que ne le montrent les statistiques officielles, en particulier dans la ville de Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, centre-est, où le nouveau coronavirus serait apparu. Les investigations sont toujours en cours sur la question de savoir si la propagation du virus peut venir d'un accident de laboratoire plutôt que d'une transmission d'un animal à l'homme. L'un des plus proches parents du SARS-CoV-2, le rat TG-13, provient d'une chauve-souris découverte en 2013 dans le Yunnan, à 1000 km de Wuhan. Dans la mine où a été découvert ce rat TG-13, 6 mineurs ont été hospitalisés, probablement à cause d'une pneumonie, en 2013. Mais les chercheurs ayant étudié ces coronavirus ont justement opéré au sein d'un laboratoire à Wuhan. Et la base de données contenant des informations sur ces virus a été supprimée 3 mois avant le début officiel de la pandémie. Ces éléments ont à l'évidence nourri les soupçons, de même que les obstacles mis par les autorités chinoises aux investigations de l'OMS en 2021. Hélas pour elle, en 2020, la CIA n'avait pas encore eu le temps de remettre sur pied des réseaux de renseignements suffisants en Chine pour lui permettre de répondre avec certitude aux interrogations.